anime, une âme offerte aux quatre vents. Que mon souffle et mes rimes éveille le cœur des passants. L'esprit qui me dévore est un feu qui consume de l'illusion et de la mort. Il dissipe les brumes. Par-delà l'éphémère et le temps qui trépasse, les souvenirs amers et la vie qui te lasse, tu es un phénix qui réenchante sa vie. Que les temps se finissent, que renaisse l'envie. Flamme qui me dévore, réveille mon cœur endormi. Fasse que ma vie t'honore, le rêve en moi enfoui. Que les muses animent, une âme offerte aux quatre vents. Que mon souffle et mes rimes éveillent le cœur des passants. Que les muses animent, que l'âme offerte aux quatre vents. Que mon souffle et mes rimes éveillent le cœur des passants.